bene bene bene bene bene bene bene bene bene bene bene bene bene bene bene bene ce bordel là, c'est qui celui-là là? Pepito lo Mario e coche la tête. Zamorano ti bacio a Batistuta. Les attaquants au ballon car t'es parti pour cap. Gang gang, j'fais le mili, j'sors la seca seca. J'pose avec ma clope, avec mon feka feka. T'inquiète mon ami, hijo de puta puta. T'aimes pas ta copine, veut nous faire le boussa boussa. Toute la journée je pense à tous ces calimero. Ah j'ai chargé tous les trous de Charamero. Hola hola hello girl. Tu toucheras pas la balle, on te fait la brésilienne. Comment ça se passe dans la villa? Bene bene. Belek tu sors une arme sans l'âme de Yemma Yemma. Bene bene. Bene bene. Bene bene. Bene bene. Chico chico hola hola hello girl. Tu toucheras pas la balle, on te fait la brésilienne. Ouais, tu fais quoi? T'es là, tu sais, empereur? Ah, vas-y, réponds leur mec. Tu peux pas passer à notre casse-côte là. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je vais pas parler, parle pas. Ah, vas-y, là. Soit tu fais pas, moi, je m'en fous, soit tu fais pas. Soit tu fais pas, parce que je te jette. Il est où, Macha? Tu peux pas me le dire? Ouais, c'est en merde. Toujours pas. Ok. On va quoi, je suis là. Allez, reste calme. La prochaine fois, c'est pour votre cul, les petites salopes. Bande de fils de pute, vous allez voir. Bene bene. Derrière la fumée, j'aime voir disparaître sa beauté. Ah washa washa washa washa policier. Ah washa washa washa washa madre mia. Pieds sont comme un bouquet, les miens sont beaux lookés. Le monde où nada. j'habite au troisième étage, à Moulin-Galant. Bon, faut bouger là. Le petit est un poucave, le petit qui a la balafre. Je t'avais dit, par Haga, gros, il est un poucave, il est parti de poucave, faut qu'on staille, frère. Voilà, faut stailler tout de suite. mon pote. Ouais, on a une galère là. Comment ça, on a une galère? Eh, c'est pas ma faute. Tout à l'heure, tu m'as passé Kios. Moi, j'ai fait ce que vous m'avez dit de faire. Hein. Et c'est pas tard, je les ai croisés, ils m'ont frappé, ils m'ont piétiné. Mais de qui tu parles, poto? Qui sont là? C'est pas tard, ils m'ont niqué, ils ont pris que ça. Qui ça, ouais, putain là? Ça, chez Benet. On s'en fout, putain de sa mère. Vas-y, démarre, on y va. Partout.